couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 sur Fadjet.net et en DAB+ pour votre demi-heure avec les artistes de la région, voire même de la grande région. Coucou à vous qui nous écoutez de Strasbourg, de Reims, pourquoi pas de Paris, très très loin, pourquoi pas jusqu'en terre slave peut-être, dans les terres du monde, très très loin. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous recevons aujourd'hui, pour la deuxième fois, on est vraiment très très content, on reçoit Emmanuel de Ladislava. Bonjour. Bonjour Pierre, bonjour les auditeurs de Fadjet. Ah là là là là, ça c'est le métier qui rentre. Bonjour les auditeurs direct, on sent les interviews. Ah ouais, là franchement, les interviews qui ont été faites, on apprécie, on te reçoit pour la seconde fois puisque il y a un album qui est sorti le 16 avril 2016, 2026, ok d'accord. Pourquoi pas 16 avril 2026 qui s'appelle Rusalka. Exactement, le quatrième album de Ladislava, donc qui est sorti jeudi dernier. Jeudi dernier, trop bien. Donc on est très très fiers de vous présenter ces nouvelles musiques et très heureux d'être accueillis une nouvelle fois ici à Radio Fadjet. Incroyable. Electro, alors la première fois que je t'avais reçu, c'était Electroslave. Là j'ai un petit dossier qui marque Electrofolk Techno World. Donc est-ce qu'on a encore du changement qui a été fait dans cet album-là? Disons que par rapport au précédent album Lasco qui est sorti en 2024, on reste dans cette même dynamique, mais en fait on a évolué pour aller à la recherche de des sonorités électro encore plus profondément. On a gardé cette fusion entre musique slave et musique électro, mais en allant dans des côtés un petit peu plus underground comme la techno, la psytrance ou encore la dark ambiante. En fait, le précédent album, Lasco, est un petit peu un tremplin pour l'album qu'on a sorti jeudi dernier. Ok, donc du coup, on est là encore un cran en dessous ou au-dessus, tout dépend comment on le voit, dans les musiques électroniques. D'ailleurs, moi, j'adore la psytrance, voilà. Donc du coup, c'est vachement, vachement pas mal. Alors toi, tu es au chant, à la clarinette. Ça va, c'est vachement cool. Hein. et également, j'ai cru voir de la chorégraphie et de la mise en scène. Ça bouge, quoi. C'est ça, moi, je peux pas m'empêcher quand je suis sur scène en train de chanter, d'avoir en même temps de la gestuelle, puisque depuis quelques années, maintenant, je travaille une danse qui s'appelle la Tribal Fusion. La Tribal Fusion avec ma prof qui est Delphine Pont à Nancy et j'adore cette danse et je peux pas m'empêcher quand j'écoute de la musique ou quand je chante de la musique d'en mettre dans ma gestuelle. Donc en effet je suis chanteuse clarinettiste et danseuse. Et donc du coup la personne qui t'accompagne, guitare, composition, MAO, Olivier. Olivier sur scène fait en effet tout ce qui est guitare, clavier, prod, etc. Quand on est dans un contexte de création, alors moi je m'occupe de tout ce qui est composition, je suis compositrice. Okay. Je m'occupe de composer, de faire les mélodies, les structures, les harmonies, etc. Et une fois que j'ai fait, on va dire, les ossatures des morceaux, je refile le bébé à Olivier. Et lui, il est vraiment spécialisé dans tout ce qui est MAO, donc MAO, musique assistée par ordinateur. Et c'est lui qui va faire tous les arrangements. Et c'est lui qui va vraiment donner le côté électro, comme on disait tout à l'heure, techno, psytrance, dark ambiante, etc. à nos musiques. Et c'est lui qui va vraiment donner la nouvelle couleur aux musiques de Ladislava. Je cite, ouvrez les guillemets, un moment suspendu qui comblera autant les amateurs de musique folk, pagane, viking que les amoureux de clubbing. Ça, c'est pour fermer les guillemets. Donc ça, c'est vraiment mélange de genres, mélange d'univers. Ceux qui ont envie de s'enjailler, qui ont envie de clubber. Et en même temps, ceux qui sont intéressés par des sonorités, des voix, du folk. J'allais dire traditionnel, mais c'est un mot un peu désuet. Mais je vois l'idée, ça reste toujours de la fusion. C'est ça, nous, on aime beaucoup de choses. La musique traditionnelle slave, d'Europe de l'Est, de tzigane, c'est un peu notre musique de cœur, depuis toujours. On a commencé par ça, à part de la musique traditionnelle. Et on pouvait pas ne plus en faire. Donc c'est vraiment le cœur de la musique de Ladislava. Mais depuis quelques années, on a eu besoin aussi de moderniser notre langage et la découverte de la musique électro, notamment suite à un voyage à Berlin, nous a donné cette envie d'ajouter ces sonorités et en fait de faire ce qu'on appelle en effet de la musique fusion et de mélanger ces influences et de faire quelque chose de qui met en valeur ces deux cultures et ces deux univers. Des cultures mises en valeur et un univers qu'on découvre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Oui, ouais. Alors principalement Insta. De façon mesurée. Mais oui, en effet. Donc vous retrouvez Ladislava sur Facebook, Insta, TikTok, sur aussi les plateformes, bien sûr, pour écouter l'album. On fait, voilà, on est présent un petit peu partout parce que aujourd'hui c'est normal, c'est aussi pour des artistes ou pour des groupes d'avoir cette diffusion. Après, le plus important à notre sens reste aussi la musique live, et je pense qu'on en reparlera, mais on a quelques concerts live qui se profilent, dont la release party oui, qui se profile à l'autre canal, et ça c'est quand même bien. Vous êtes d'ailleurs accompagné dans le dispositif, il me semble, de l'autre canal. On fait partie en effet du dispositif qui s'appelle Grand Large. Comme par hasard. Grand Large, donc on est accompagné depuis un peu plus d'un an maintenant pour tout ce qui est diffusion, et voilà, on fait les ateliers, on fait aussi une résidence de travail, donc pour préparer notre nouveau set, notre nouveau live. Et le 23 avril, l'autre canal est partenaire de notre release party, donc pour fêter la sortie de ce nouvel album Roussalka. On en reparlera, mais ça va être une soirée de ouf. On a beaucoup de choses dont on doit parler, mais il faut aussi écouter de la musique. Oui. Forcément, pour que les auditeurs ils se rendent compte un peu de l'univers. Du coup, je vous propose et je te propose, cher Emmanuel, d'écouter un premier titre qui est Soyeto, qui est du coup issu du dernier album. Alors, je t'ai demandé en antenne la signification, je vais te la redemander. Qui est, tu m'as dit, c'est Ainsi est. Ainsi est-il. Tsuyeto, Zanebe, en fait, ça veut... Ainsi est, et après, il y a différents mots. Ainsi est le ciel, ainsi est la famille, d'accord. Ainsi est la noce, etc. Tsuyeto, c'est ainsi est. Ok, d'accord. Eh bien, on va s'écouter ça, chers auditeurs. On est avec Emmanuel de Ladislava. Ladislava Soyeto sur Fadjet dans Couleur Locale. Si vous avez raté le début de l'émission, eh bien, pas de panique, elle sera disponible sur mon Spotify for Podcaster ce dimanche à 18h, si j'ai pas oublié ce qui m'arrive pas mal de fois. Comment tu vas, Emmanuel ? Ça va et toi, Pierre ? Eh bien, écoute, ça va super. Trop bien. Effectivement, là, franchement, la vibe et tout, une petite trans dark un peu comme ça, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est voilà, je peux pas dire d'autre, je vais pas te lancer des fleurs pendant une demi-heure, mais oui, bah, ça fait toujours plaisir. Un titre du coup qui est issu de l'album Roussalka. Tu ne me rends pas la chose facile, ma chère Emmanuel, avec tous ces noms. Mais jamais. Étranges. C'est jamais facile avec Ladislava. C'est jamais facile. Alors, Roussalka, justement, je pose des questions un peu tarte à la crème que tous les journalistes posent, mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a une identité propre à l'album ? Ouais. Alors, Roussalka, en fait, c'est un mot que certains peut-être connaissent, c'est une sorte de mythe issu de la mythologie slave. Okay. La Roussalka, c'est une sirène qu'on trouve notamment en eau douce, comme les lacs, etc. Et comme les sirènes que l'on connaît bien dans les mythologies gréco-romaines, leur but est d'attirer ouais. les gens et notamment les hommes et de les tuer. Alors, selon les versions, par noyade, en les dévorant, etc. Et il y a un opéra qui a été écrit par un compositeur tchécoslovaque très très célèbre qui est Anton Dvorak, qui s'appelle Roussalka, et dans lequel Roussalka offre sa voix à une divinité démoniaque en l'échange de l'amour de l'homme qu'elle aime. Et ça nous rappellera donc fortement l'histoire de la petite sirène que tout le monde connaît. Ouais. Et donc, en fait, dans cet album Roussalka qu'on a écrit, ce personnage mythologique nous a beaucoup, beaucoup intrigué, beaucoup inspiré. Et on va énormément retrouver une recherche vocale extrêmement poussée. Par exemple, il y a une chanson avec Hélène Ruzic, la chanteuse de Twice, où on a du chant en voix saturée. On a une chanson avec l'ensemble Les Inskis, dont on reparlera tout à l'heure, donc une chanson avec un chœur. On a une chanson dont le titre est Roussalka, où en fait ça commence avec du chant en trappe, donc quelque chose de très scandé, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère en fait dans la déclamation. Puis une longue vocalise qui part des notes graves et qui monte vers les notes aiguës et qui progressivement se déstructure avec de l'autotune, pour justement symboliser cette perte de la voix uniquement pour gagner l'amour de celui qu'elle aime. En fait, dans cet album Roussalka, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, cette fusion entre les musiques d'influence slave, les musiques électro, mais il y a aussi une recherche des sonorités vocales et des textures vocales qui est très importante. Et c'est là où, en fait, le mythe de la Roussalka nous a beaucoup inspirés. Ok. En tout cas, c'est inspirant, dit comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me répondent moi, j'écris sur l'amour, sur l'amitié, sur mes proches. Et c'est très, très bien. Maintenant, on a vraiment un décorum, un univers. Qui lit mythologie, musique, recherche, c'est vachement sympa. Dites-nous ce que vous en pensez, chers auditeurs, sur les réseaux sociaux. On est aussi sur Facebook et Instagram, Fadjet-6, Couleur Locale. On est avec Emmanuel de Ladislava. On passe un bon moment. N'hésitez pas à checker YouTube aussi, puisqu'il y a des clips. Depuis toutes ces années, il y a forcément des petits trucs, quoi. On a fait depuis 2 ans pas mal de clips, de live sessions, de vidéos. En fait, on met un point d'honneur à faire de la qualité dans notre contenu sur YouTube. Et notamment, on a un clip, Lasco, qui était sorti en 2024. On en avait parlé à l'époque, ouais. Qui avait reçu le prix du public au Festival des Cours de Sarreguemines, donc dans un festival de cinéma. S'il te plaît, c'est pas... un clip est promu comme ça dans un festival de cinéma, c'est quand même énorme. C'est que c'est un bon clip, quoi. On a fait appel à une boîte de cinéma pour le tourner, donc on a fait ça, on a fait Petrucia, donc qui est un titre que vous retrouvez dans l'album qui est sorti jeudi et qui est justement un hommage à l'Ukraine, à la gloire de ce pays, à sa tristesse, à sa beauté. C'est un clip qu'on a tourné entièrement en plan séquence et en live, qui est vraiment magnifique. Voilà, on retrouve des live sessions, on retrouve beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc vous pouvez nous suivre sur YouTube, c'est @Ladislava officiel. Enfin, vous tapez Ladislava, vous retrouvez facilement les vidéos. Elles sont super belles, n'hésitez pas à y aller. Allez-y, chers auditeurs, Ladislava, Ladislava. Il faut quand même épeler, parce que c'est vrai qu'à l'oral, en radio, on n'a pas forcément ce truc-là. On parlera juste après, parce qu'on va quand même écouter une petite petite musique qui a annoncé un petit truc aussi. Mais on parlera un peu du futur de la release party et puis plein d'autres trucs, tu sais bien. Hein. C'est comme à la maison, j'ai pas de liste de questions. Alors des fois, je me perds, c'est pour ça qu'on va écouter une musique. Et là, je vois, elle me regarde attentivement pour savoir si j'ai retenu comment on dit le nom de la musique. On va écouter toujours un de l'album Rusalka. Ce sera Shtoy Pa Moru. Mais au top, au bravo. Top, voilà. Pourtant, tu me l'as dit il y a 16 minutes déjà. Mais tu gères, mais tu gères. J'ai géré le truc. Alors, déjà, il y a deux choses. Bah, la première chose, c'est qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Shtoy Pa Moru, donc, c'est du biélorusse et ça veut dire au-delà de la mer. Au-delà de la mer. Donc, tout. Bah, Shtoy Pa Moru. Sirène, etc. Le seul truc que j'ai mal fait, c'est le loup. Le pas R roulé, oui, enfin, si, Shtoy Pa Moru. Ah, on fait moru, roux. Avec le R en avant de la bouche. Pas moru, roux. C'est pas grave, on se reverra pour le prochain album, on en reparlera. Ils vont se déconnecter, les auditeurs, ils vont se dire, bon celui-là. Et c'est une exclue. Alors, c'est une exclue depuis deux jours. L'album est sorti jeudi dernier sur toutes les plateformes. Donc, je pense que sur Fadjet, c'est la première radio à diffuser l'album. Ouais. Et il y a un petit truc autour de ça. On en reparle après ou on en reparle maintenant ? Tu veux en parler après ? Allez. Allez, on en parle après. Je perds mon émission. Elle décide de tout, c'est pas grave. On en parle après, juste après. C'est Shtoy Pa Moru. Merde, c'était trop fort. Mais non, c'est super, c'est super. C'est bien, c'est très bien. Et on s'écoute ça tout de suite sur Fadjet dans Couleur de Cale. Yeah. Stoypa Mouloud, Vladislava, faut que j'arrête de rigoler, sur Fadjet dans Couleur Locale. Vous y êtes bien, restez-y, les samedis à 13h et les dimanches à midi, une demi-heure avec les artistes de la région. Le podcast à 18h sur mon Spotify et puis la page Facebook Fadjet-6 Couleur Locale pour suivre les émissions, parce que j'ai encore pas mal de monde à vous présenter. On aura notamment en mai les Coming Wolves, un groupe de crossover metal qui a eux, ils ont eux aussi sorti un album, donc du coup c'est plutôt sympa. Comment tu vas? Toujours ça va Emmanuel? Moi ça va super. Ça va super. Et toi? Eh ben ça va. Alors petite information en primeur par rapport au morceau qu'on vient d'écouter, il y a une live session qui va sortir. Ouais, grosse actu, et on le dit sur Radio Fadjet en exclu. Donc cette chanson, Stoypa Mouloud, on l'a enregistrée et filmée en live session avec non pas une, mais ni deux, ni trois, mais 10 chanteuses de Nancy, 10 chanteuses nancéennes. En fait, depuis quelques mois, j'ai envie de mettre en valeur la culture musicale nancéienne. Je trouve qu'il y a énormément de choses qui se passent. C'est pas une grosse ville, c'est pas une ville qui a une renommée, etc. Mais c'est une ville où il y a des choses extraordinaires qui musicalement qui se passent. Et j'avais envie de mettre en valeur les femmes qui sont dans le milieu musical ici. Et j'ai contacté des chanteuses pour réaliser une live session sur ce morceau, Stoypa Mouloud. La vidéo sortira le 21 mai. Et vraiment, ça promet d'être absolument magnifique, parce qu'on a cette sororité, ce mélange des voix, vraiment un cœur absolument magnifique qui ressort de cette live session. Ça va être sublime. J'ai trop hâte de vous faire écouter ça. Donc, le 21 mai, live session Stoypa Mouloud, donc Vladislava et 10 autres chanteuses de Nancy. 10 autres chanteuses, on peut citer, tu me l'as dit, j'ai retenu, on a Hélène de Two Eyes, on a Linglo, pas mal de gens. C'est ça, on a les chanteuses de Meda, on a Lust, on a Kautar, on a vraiment le top du top des chanteuses. En plus, elles sont excellentes chanteuses, mais c'est aussi des magnifiques personnes. En fait, toutes les filles qui ont accepté de participer, on a vécu quelque chose de fort tout ensemble. Incroyable. Quelque chose de beau, et je pense que ça se ressentira sur le son et la vidéo. Et le 21 mai, on écoutera ça. Ouais. Tu parlais de mettre en avant la musique à Nancy. Tu as également créé une playlist Spotify avec des artistes locaux. Ouais, donc exactement. Ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là, en fait. Ce que je te disais, je trouve qu'à Nancy, il se passe des trucs de fou. Il y a énormément, mais attends, pour une si petite ville, il y a plus de 150 groupes et artistes qui existent. C'est un truc de fou. Donc, je les ai contactés en leur disant, moi, j'ai envie de créer une playlist uniquement consacrée à Nancy. Et tant pis si, entre l'un et l'autre, on passe du coq à l'âne en termes de style, on s'en fout. Le but, c'est de montrer la richesse musicale de notre ville. Et t'as plus de 100 personnes qui ont répondu en disant, ça m'intéresse d'en faire partie. Et donc, c'était vraiment sur la base du volontariat. Je mettais personne d'office, mais tous les gens qui m'ont répondu, on a mis leur musique sur la playlist. Elle s'appelle Nancy On Track, T-R-A-C-K, Nancy On Track. Elle est dispo sur Deezer et Spotify, et c'est le top du top, la crème de ce que la musique à Nancy peut proposer. Donc allez l'écouter également. Vous vous mettez ça si vous êtes en soirée, si vous êtes même un bar, un restaurant, un commerce, vous mettez Nancy On Track, et comme ça vous faites écouter local à vos clients. C'est beau, c'est Nancy. C'est beau, c'est Nancy, c'est une très belle initiative de Emmanuel de Vladislava, Electro, Folk, Techno World, avec son camarade, son collègue Olivier, qui n'est pas là, bouh, voilà. C'est pas gentil, Olivier. Non, je vais te sentir. On l'embrasse. On l'embrasse quand même. À retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Et puis surtout pour la release party de Roussalka, donc l'album qui est sorti jeudi dernier. Ça se passera le 23 avril à l'autre canal. Exactement, on a la chance de pouvoir être accompagné par l'autre canal depuis donc un an, et de pouvoir organiser à la fois des résidences de travail, donc on peut travailler dans les salles, la salle de l'autre canal. C'est génial, parce que pour des artistes, travailler chez soi c'est une chose, mais travailler dans une salle de spectacle avec du son, des lights, des régisseurs, c'est autre chose. Et de pouvoir en plus organiser donc le 23 avril une super soirée pour le lancement de notre nouvel album Roussalka. On a invité donc le groupe Exotica Lunatica. C'est un groupe de Strasbourg. Elles sont deux comme nous. Elles font de la fusion Electro World comme nous. Et elles ont gagné le prix du public au Printemps de Bourges, pas comme nous, l'année dernière. Et c'est vraiment génial ce qu'elles proposent. Donc elles vont ouvrir le bal jeudi 23, donc à 20h30. Ensuite, donc nous, voilà, on fait notre nouveau set avec une scénographie magnifique qui est vraiment inspirée des clubs underground berlinois. Ça va être vraiment un show extraordinaire. Sans me la péter. Et ensuite, on termine la soirée avec DJ Balcaliente. C'est un DJ qui nous vient de Rennes et qui fait du Balkan Beat. Il joue du trombone par-dessus, donc trop ça bien. Va être ouf. Et il termine, donc il fait un set dans le hall d'entrée de l'autre canal, là où il y a le bar, là où il y aura un peu tout le monde. En fait, on se propose de finir la soirée vraiment de façon conviviale, ensemble autour de DJ Balcaliente. Ça va être beau, ça va faire voyager, ça va être fusion, ça va être world, ça va être électro et ça va être génial. On a hâte d'y être, hein, c'est le 23 mai. Avril, voilà, comme ça. On a non, ne venez pas le 23 mai, ça ne sera pas nous. Le 23 avril à l'autre canal. On va conclure cette émission. Alors, on remettra une musique dont j'ai oublié d'ailleurs comment prononcer le titre, donc je ferai j'essaierai. Mais d'autres dates peut-être à annoncer? Beaucoup de dates. Alors moi, ce que je conseille, c'est de s'abonner à nos pages Facebook, ouais. Insta. On annonce toujours les concerts, mais notamment le 2 juillet à Metz au Frigo, le 3 juillet à Châlons-en-Champagne, le 4 juillet à Luttange et le 24 juillet, là on est trop trop fiers de jouer au Festival du Val d'Escouf à Toul. Mmh. Oh, c'est un festival qu'on adore depuis des années en tant que public et maintenant on est programmé sur leur set, donc on est trop trop fiers, trop heureux. Mais voilà, allez vous abonner, on annonce toujours les concerts et on tourne beaucoup dans le Grand Est mais aussi dans toute la France, donc même si vous nous écoutez de Bretagne, de Lyon, de je ne sais où, il y aura forcément des moments où on passera près de chez vous, donc abonnez-vous. Merci Emmanuel d'avoir participé à cette émission. Ladislava, on est vraiment très contents de t'avoir reçu une deuxième fois. Enfin, je dis on, il y a moi, mais on n'a pas compris quoi. Bah, nous aussi, on est très contents d'être venus. Du coup, on va se laisser en musique avec Soaye. Shohai. Oh là là. J'étais presque. Je la mets en fond, puis on va monter un peu les watts et tout. Ça parle de quoi? Alors, Shohai, en fait, on a eu l'honneur d'être rejoint sur ce titre par l'ensemble Les Inskis. C'est une chorale de Vendeuvre-les-Nancy, donc nos voisins, qui a été élue, s'il te plaît, meilleure chorale de France par France Télévisions en 2024. Donc, gros niveau. Oui. Moi, je les connais bien parce que j'ai été choriste chez eux pendant quelques années. Et en fait, quand on a écrit ce titre, Shohai, on a entendu un chœur qui chantait dessus. Et c'est naturellement qu'on a demandé à l'ensemble Les Inskis s'ils voulaient bien participer. Ils ont accepté et voilà, on est vraiment très très honorés de la collaboration que ça a donné. C'est une chanson qui est magnifique, qui parle d'un jeune orphelin qui quitte son village. C'est à la fois triste, nostalgique, très aérien, très puissant, et je trouve que le chœur rend parfaitement cette ambiance. Eh bien, on se laisse là-dessus, toujours avec... J'adore comment t'expliquer les morceaux, c'est vraiment... ça, c'est le métier qui est là. On se laisse avec Shohai de Ladislava, issu de l'album, Rusalka, qui est sorti jeudi dernier. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à toi, Pierre. À bientôt sur Fadjet dans Couleur Locale. See you. Amen. Jesus, yes, he